tout va bien. Ma vie est un miracle. Même si parfois j'ai mal, mais tout va bien. Ma vie est un miracle. Je ne souris pas. Ma vie est un miracle. C'est vrai que je ne cours plus, mais ailleurs, d'autres courent sur des mines. Je me nourris avec ces tubes, mais ailleurs, d'autres ne connaissent que la famine. N'ont pas les moyens de se soigner. Donc, maman, ne pleure pas. Oui, tout va bien. Ma vie est un miracle. Même si parfois j'ai mal, mais tout va bien. Ma vie est un miracle. Je ne souris pas par dépit. Non, tout va bien. Ma vie est un miracle. C'est vrai que j'ai raté quelques cours, mais ailleurs, d'autres rêvent de faire des études. C'est vrai que je suis moins à la maison, ailleurs, d'autres vivent sous un tas de ruines. Je ne sous-estime pas mon cas, ailleurs, d'autres n'ont pas la force que tu me livres. Donc, maman, quelques mots comme un pansement et une pommade pour te remercier de cet amour dont je puise tout mon courage. Tu es mon intraveineuse, avec toi la vie est un miracle. Mais te voir si malheureuse, c'est ce qui me rend vraiment malade.